On est dans Hockey Mineur de Robertval avec notre ami Hugo Maltais. Salut Hugo. Bonjour. Hugo, d'abord, on va y aller avec hier. Mardi, on a parlé avec Alexandre Gauthier, les Bulldogs de Saint-Félicien qui ont remporté quand même. Ça a bien été pour les Bulldogs et il y a plusieurs joueurs de Saint-Félicien qui sont natifs de Robertval. Donc, et je pense que t'étais très présent là-bas aussi. Là. Oui, ben avec Alexandre, moi et Alexandre, on coach dans le fond l'équipe puis M. Richard Fontaine de Robertval. On coach l'équipe des Bulldogs puis Louis-Dessy de Saint-Philippe. Okay. Cette année, ben appartenant là, à l'équipe des Bulldogs de Saint-Philippe, ben, on a le trois quarts de l'équipe qui viennent soit du hockey mineur de Robertval, viennent du hockey mineur de Robertval ou de Mastoyache. Donc, c'est sûr que la représentation de cette année est intéressante. Donc, on parle d'à peu près d'une douzaine de joueurs qui viennent de Robertval puis de Mastoyache sur 17. Ce qui fait que là, ben d'avoir là, gagné là, un tournoi provincial là, comme ça, on a fini avec 16 équipes, des grosses équipes là, dont la finale où est-ce qu'on a battu là, les premiers au Québec. Ben, je pense que c'est un bon travail. Là, c'est un petit velours pour le hockey mineur de Robertval-Mastoyache. C'est sûr qu'on est arrivé, on l'a marqué sur les deux hockey mineurs parce que les jeunes provenaient de là. Donc, on est bien satisfait de ce beau fin de semaine-là qu'on a fait avec nous. Mais c'est quand même, Alexandre, on a fait une entrevue avec mardi, puis il me disait que l'équipe que vous avez battue en finale, il promet déjà de vous revoir à la finale du tournoi Pee-Wee. Je pense qu'il y a une petite rivalité amicale qui s'installe entre les deux, hein? Oui, on a croisé des gens très, très, très sympathiques ouais. Au niveau du personnel d'entraîneur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis les autres, les aigles de Saint-Jean, bien, ils étaient dans notre section. Ce qui fait que dans la Ron Robin, on avait joué contre eux samedi après-midi, on avait perdu 5-0 contre eux. Là, puis ça avait fait en sorte que nous autres, on avait fini deuxième, puis eux premier de la division. Donc quand on est arrivé dans les huitièmes de finale, bien, on a dû prendre le premier de la division aussi. Okay. Ce qui fait que quand on est arrivé en finale, ben c'était la deuxième fois qu'on jouait contre eux autres. Puis là, ben en gagnant, là, en se donnant la main après la partie, ben c'est les gens de Saint-Jean et Richelieu qui ont dit ben garder. C'est un à un dans la série, puis on va sûrement se revoir. Là, ben on va voir qui va gagner le deuxième. Ouais. On va parler maintenant du tournoi Atome. On a eu des reportages avec David Lamontagne. Il y avait des équipes de Robertval qui étaient là également. Oui, j'avais quatre équipes de Robertval, cinq équipes de Robertval qui étaient dans le tournoi en fin de semaine dernière. Donc dans la catégorie Pee-Wee, autant que le Pee-Wee A que le Pee-Wee B, ben on a fait quand même une belle figure. Là, on n'a pas des équipes là, aussi dominantes que l'an passé, mais on a fait quand même une bonne figure. On est allé pour les deux équipes, on est allé en demi-finale. Okay. On a perdu là, les deux parties par des pointages quand même assez serrés, donc C'est un bel accomplissement là, que les jeunes dans le Pee-Wee ont fait, qui ont réussi. Dans le cas de l'Atome, mon Atome B ne s'est pas classé pour les demi-finales. C'est plus difficile cette année pour mon Atome B. Là, on travaille fort, mais on n'a pas quand même là, un bassin de joueurs là, à ce niveau-là de haut calibre. Donc, on est dans les bas du classement. Ça fait qu'ils n'ont pas été déclassés à part une partie des deux autres parties. Ça a quand même été bien. On n'a pas été capable de se rendre dans le Natoma, une petite surprise. On a perdu 5-4 là, en demi-finale. On s'attendait là, à faire au moins la finale. Là. Mais on est parti un peu de travers. Hein. Je pense que c'était 4-0 pour Jonquière après une période ou une période et demie. Okay. Donc, de remonter ça à 4-3 puis perdre 5-4, ça a quand même été pas si mal. Mais je pense que pour la plupart des gens de Robertval, là, ils ont des gens de Natoma qui ont été un petit peu déçus. Puis dans l'Atome 2C, ben ça a été un parcours parfait là, pour les Sabres de Robertval dans la tombe 2C. Là, donc, ils ont gagné 2-3 parties dans le Ron Robin. Puis quand ils sont arrivés en finale, ben, ils ont battu les Aiglons dans le mode 2-1. Donc, week-end là, de 4 victoires, aucune défaite. Puis, mon Atome 2C, je pense, là, je calculais ça la semaine dernière, là, depuis le voyage à Bécomo, où est-ce que, puis la première partie là, à Robertval, où est-ce qu'on avait subi 4 défaites en ligne. Depuis ce temps-là, on est 14 victoires et une défaite. Donc, depuis là, nos quatre premières parties, là, les Sabres dans l'Atome 2C, là, entraîné par M. Bouchard, là, c'est une machine super bien rodée, donc on est bien content des performances de nos jeunes dans la tombe des. OK, il y a une autre équipe en fin de semaine qui est en action à Robertval pour le tournoi, là. Ouais, ben en fin de semaine, on va souhaiter là, bonne chance, nous autres, là, au Bantam B de Robertval-Mastoyache, là, qui sont à Sainte-Marie-de-Beauce, donc un petit. Saint-Georges-de-Beauce, un beau petit tournoi là, là-bas. Puis après ça, eux autres, ils vont aller demain là, visiter. Ils vont rempart contre les Cataractes. Puis ils ont une visite là, privée du centre Vidéotron. Oh. Donc c'est un beau petit voyage là, pour notre équipe de Bantam B de Robertval-Mastoyache. Puis en même temps, bon, on a des jeunes de Robertval qui, dans le Bantam 200, fin de semaine, là, sont à Bécomo. La Ligue Bantam fait, eux autres, ils appellent ça un terme anglais, un showcase, où est-ce que toutes les équipes Bantam 2C montent à. Habituellement, font un tournoi donc d'exposition. Puis en fin de semaine, là, ben, c'est le showcase de la Ligue Bantam 2C sur la Côte-Nord. Donc, l'équipe des Hurricanes, avec la même affaire là, de joueurs de Robertval Saint-Félicien, ben, sont en tournoi là-bas là, pour la fin de semaine. Ben, Hugo, ça fait le tour pour cette semaine? Oui, ça fait le tour. OK, on s'en parle jeudi prochain. C'était la chronique du hockey mineur de. Oui, on s'en parle jeudi prochain. C'était la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltais.